cours numéro 13. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن البراهين العقلية على وحدانية الله وغناه وافتقار الخليقة كلها إليه ما فطر الله عليه عباده وخصوصا خواص الخلق من الأنبياء والرسل أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأهل العقول الوافية والألباب الرزينة الذين هم الطبقة العليا من الخلق من البراهين parmi les preuves العقلية sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ma fatar Allahu alayhi l'ibad. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'ibad avec hadhihi al-fitra. Il traduit la fitra par la saine nature. Et hadha al-abd, il est prêt à accepter la vérité. Et il aime la vérité à la base. Wa khususan, bien sûr, al-anbiya wa al-rusul. Haoula, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a choisis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a élevés. Les prophètes et les messagers alayhim as-salatu was-salam. Fa innahum futiru ala al-i'tiraf al-kamil bi-wahdaniyatillah. Leur fitra, bien sûr, elle est kamila hum par rapport à nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés avec une fitra qui accepte encore plus la vérité. Qal wa annahu al-maqsoud al-ma'boud fi kulli al-ahwal. Et hadhihi al-fitra, cette saine nature, elle reconnaît que Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, c'est le créateur et il mérite l'adoration seul. وصار هذا الامر في قلوبهم اعظم الحقائق كلها واوضحها واجلاها وهي علوم بديهيه ضروريه لا يمكن احدا دفعها وليس عند المنكر لذلك ما يدفع هذا العلم اليقيني والطريق البرهاني الا عدم علمه بذلك لفساد إدراكه واشتغاله بالعقائد الفاسده واعراضه عن طلب الهدى وهذه سين فائده مهمه. Si on vient à réfléchir, pourquoi Wardanaz rejette la vérité? Ou c'est quoi leur argument? Mathalan, toutes ces preuves qu'on a étudiées dans ce livre, des dizaines de preuves, et des preuves, sans parler du Coran et de la Sunna, la Barahin Akli, il y a des preuves rationnelles sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on se pose la question, est-ce que ceux qui les ont rejetés, qui ne les ont pas acceptés, est-ce qu'ils ont des arguments? Ils n'ont aucun argument. فكيسك يلزم قال الشيخ وليس عند الممكن لذلك ما يدفع هذا العلم ils ont aucun argument pour repousser toutes ces preuves قال الا sauf une chose عدم علمه بذلك le seul argument qu'ils ont c'est qu'ils ne connaissent pas ils ont pas d'علم تامل هذا قال لفساد ادراكه واشتغاله بالعقائد الفاسده malgré que ces preuves elles lui sont exposées لكن il prétend ne pas savoir ne pas reconnaître. Limada, les facettes idraki. Limada, il n'arrive pas à comprendre. Et tawfiq, c'est min Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide, qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Washtiralihi bil aqaid al fasida. Limada, son cœur, il est occupé par autre chose. Ce cœur, il n'y a plus de place pour accepter cette vérité. Ce cœur, il ne veut pas se soumettre. Cet être humain, il ne veut pas accepter, même si il le sait. Pourquoi? Parce que son cœur, il est. La place, elle est déjà occupée. Elle est occupée par quoi? Par l'aqaïd al-fasida. Al-ilhad, des théories complètement fausses, matérialistes, faqat, ils pensent qu'à dunya, ils ont oublié l'au-delà. Wa i'radihi an talab bil-huda. Ça, c'est une autre cause. Annahu, il ne fait pas l'effort de rechercher la vérité. Même si la vérité, elle lui est exposée, il la rejette, Thomas, il ne fait aucun effort pour essayer de comprendre. هذا سنمونتخ كوا سنمونتخ كون دوا فير اتونسيون نحن كذلك لان اون ني با على فري لو فات دو نو با سافوار اون شوز سي با ان ارغومون فلهذا قال ومن المعلوم المتفق عليه بين العقلاء ان عدم العلم بالشيء ليس من الشبه في شيء فضلا عن ان يكون برهانا يدفع اقوى البراهين واجلها واصدقها من العالمين الموقنين. هذا الكلام il est très très important. On en a tous besoin. أن عدم العلم, le fait de ne pas avoir de connaissance, de ne pas connaître une chose, c'est pas un argument. عدم العلم بالشيء ليس من الشبه في شيء. Le fait de ne pas connaître, c'est pas une chouba, c'est pas une ambiguïté. C'est l'insan, à la base, il ne connaît pas. C'est pas une ambiguïté. قال فضلا عن أن يكون برهانا. Donc, encore plus, le fait de ne pas connaître, c'est pas un argument. Pour vous facilitez ce passage, la compréhension akthar, on peut citer un exemple. Mathalan, wa'd an-nas, tu leur montres certaines preuves, Que ce soit fait din ou fait dunya, que ce soit dans le domaine religieux ou le domaine, n'importe quel domaine, dans la médecine, dans la mécanique, dans la boulangerie, dans n'importe quel domaine, les gens, ils sont conseillés à un collègue ou autre, ils leur montrent une chose avec science, à cause de certaines raisons, en général c'est les passions, l'orgueil, pour rejeter la vérité, il dit, mais moi je ne connais pas ça. حتى في العلم حتى في الدين ça arrive. مثلا واحد tu lui montres une sunna ثم يقول mais moi j'ai jamais entendu cela. Est-ce que c'est du ilm هذا? Est-ce que c'est un argument? Non, tu as jamais entendu cela, c'est pour ça qu'on te le montre. Et normalement on n'a pas à dire j'ai jamais entendu ou j'ai entendu. Léana, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu acceptes que ce que tu as entendu. Bah ben, c'est très très grave, il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Donc c'est pas un argument هذا. Al-Muwaffaq, qu'est-ce qu'il dit? Al-Muwaffaq, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé son cœur, il ne dit pas j'ai jamais entendu, ben, il demande la source. Min ayn ji'ta bi hadha? D'où tu viens? D'où tu emmènes cela? C'est quoi ta source? Thomas, s'il te cite, qala Allah, qala Rasul, on est dans le domaine religieux, alhamdoulilah, tu acceptes. Bien sûr, avec ilm, avec la compréhension des savants, il a akhir. Si c'est dans le domaine de la médecine, s'il a des sources, maintenant il y a eu une expérience, il y a eu des recherches, moi il a des sources, celui qui est intéressé par ce domaine, il doit accepter. L'imam, il a des preuves. Amma, rejeté parce qu'on l'ignore, c'est une moussiba. Kadhalik, autre chose. Est-ce que celui qui dit, mais moi j'ai jamais entendu cela, est-ce qu'il connaît tout? Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore, qu'on n'a jamais entendu. Tant qu'il y a une source, on doit accepter. Wallah al-musta'an. Fal-ba'd ta'atharu Wallah, on vit à une époque où on vient de voir ensemble que c'est la situation des athées. Ils rejettent la vérité. Les malades, ils disent nous, on n'a jamais entendu cela, on ne connaît pas ça. Et ils se basent que sur qu'ils connaissent, sur ce qu'ils connaissent. Je ne vois pas tant que j'ai pas vu. Je ne vois pas tant que j'ai pas entendu. Mais ils ont restreint la science sur ce qu'ils connaissent eux. Et ça, c'est très très grave. L'insan, il est ignorant. Si tu restreins la science sur toi, tu n'avanceras jamais. Et on vit à une époque où فالواجب علينا جميعا قبول الحق والإذعان والاستسلام لرب العالمين. On doit tous se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et accepter la vérité. ولنحذر جميعا, on doit tous faire attention أن لا نكون كمن قال الله تعالى فيهم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. تأمل ce verset. تأمل أنهم pourquoi ils ont rejeté la vérité. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات. Moussa, quand il est venu avec la science, les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé la Torah. Il est venu avec هذا العلم. Qu'est-ce qu'ils ont dit? قالوا ما هذا إلا سحر. Première chose, ils accusent. هكذا صاحب الباطل. Celui qui n'a pas d'argument, vous avez remarqué, celui qui n'a pas de vérité, d'argument à proposer, directement il s'emporte. Imma il insulte, imma il accuse, imma il se moque. فهؤلاء, ils ont accusé Moussa de sihr. Thumma, c'est quoi leur argument? Pourquoi ils n'acceptent pas ce message? On n'a jamais entendu cela chez nos ancêtres. Donc ils ont restreint la science et la vérité sur ce qu'ils connaissent, sur leur vécu. Ça c'est très très grave. Ne restreins jamais, Akhil Karim, la vérité ou une argumentation sur toi. Il y en a encore plus nous, avec le niveau qu'on a et toutes les faiblesses qu'on a. Le ilm, c'est قال الله قال الرسول. قال الصحابة رضي الله عنهم, avec la compréhension des savants de l'islam. Enfin, si tu as ces choses, accepte, même si tu ignores. Même si ton père il ignorait, même si dans ton pays ils ignoraient. هذا حال المؤمن, et c'est une énorme cause pour accepter la vérité, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui guide nos cœurs. ثم قال رحمه الله الذين هم أعظم الخلق علوما وأبلغهم يقينا وأصدقهم وأبرهم عقولا وأصفاهم أفئدة, أي les prophètes. C'est les personnes, les créatures qui avaient plus de ilm et qui avaient le plus de yaqin, de certitude, qui étaient les plus véridiques, qui étaient les plus pieux, ila akhir. قال فهذا اليقين في قلوب هؤلاء الذين هم سادات الأولين والآخرين لا يساويه ولا يقاربه الشيء ولهذا قالت الرسل لأممهم أفي الله شك وقال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. هذا كذلك سيكون كوز عيادا بالله الكبر الإعراض. Alors, il entend la vérité, il ne peut pas la rejeter, il ne peut pas argumenter. Qu'est-ce qu'il fait? Il se détourne. Comme s'il n'avait pas entendu. Enfin, on fait attention. Si c'est une vérité, accepte. Et si tu n'es pas d'accord, argumente. Montre avec des preuves authentiques, des preuves correctes, que c'est faux. Amal Insan, il délaisse la vérité. Pourquoi? Parce que cette vérité, elle ne vient pas de lui. Ou parce que ça vient d'une personne... il ne s'attendait pas ou il n'aime pas, il a arrêté ça, tout ça, ça fait partie des passions, yadam billah. قال فهذا العلم اليقين البديهي الضروري المتفق عليه بين أهل العلم واليقين وأعلى الخلق في كل صفة كمال هو أكمل علم عندهم وأوضحه وأجلاه محال وممتنع أن يقاربه علم بشيء من الحقائق اليقينية أصلا فمن شك فيه أو تردد فقد برهن على نفسه بالجهل والضلال والحمق وهو مكابرة واضحة والله الموفق. Celui qui rejette هذا العلم كما تقدم معنا c'est une preuve Annahu, c'est un ignorant. C'est un égaré, bel, il est atteint par la folie. L'imam, il en a rejeté hada l'ilm sans argument, ça prouve hada. Imma de l'ignorance, imma de l'égarement, les passions, de la folie, un manque de raison. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala salam. قال ومن أعظم البراهين على أن الحق هو ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الحقائق الصحيحة النافعة الإجماع من جميع المسلمين ومن جميع من عرف حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الخلق على الإطلاق بالله وبالحقائق النافعة وأعظمهم بيانا وأوضحهم عبارة وأفصحهم وأنصحهم للخلق عليه الصلاة والسلام. وهذا سان برهان سان بروف كلير كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام لونانيميتي دي مسلمون بل حتى بعض الكفار يغوكونس سميريت. Wallahi, ba'd al-kuffar qui ont un minimum d'objectivité et qui ils sont curieux, hum. Ils font des études par curiosité ou pour être cultivés comme yaqulun. Après avoir lu la biographie du prophète Mohammed et la situation niveau politique à son époque et tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait, c'est relaté, c'est cité même dans certains de leurs livres d'histoire, ils reconnaissent que هذا الرجل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام il avait un rang très très élevé. Ce qu'il a fait en peu de temps, c'est pour nous c'est une aya, c'est un signe. Et pour eux c'est quelque chose d'étonnant et ils reconnaissent annahu c'était un homme qui avait une immense place عند المؤمنين. هذا c'est une preuve claire. بل نشروا ils ont propagé il y a quelque temps un auteur un américain, il avait fait un livre et il avait cité le classement des personnalités les plus influentes dans l'histoire et il a cité en numéro 1 le prophète Mohammed il a fait des études niveau politique, niveau religieux, niveau militaire, niveau social, niveau économique, tous ces critères il les a pris en compte et il a fait des recherches dans l'histoire, dans les prophètes, dans les rois, dans les... n'importe quel homme ou femme qui ont eu de l'influence à leur époque. En général, c'est des responsables, bien sûr. Et il a étudié et il a remarqué que un Nabi Mohammed, il a été influent dans tous ces domaines. Et il l'a placé numéro 1. Et pour nous, c'est une aïe. Et nous, wallahi alhamd, on n'a aucun doute. Annahu, c'était avdal al-bashar alayhi salatu salam. On n'a pas besoin de... du classement de cette personne là pour montrer que même eux quand ils ont un minimum d'objectivité c'est tellement clair بعضهم يركنس هذا. قال وهذه الأمور إذا كملت وقد كملت على وجه الكمال التام في محمد عليه الصلاة والسلام أي la science, le bon comportement إلى آخره بحيث لا يدانيه ولا يقاربه أحد في العلم والبلاغة والنصح. Personne ne peut atteindre même s'approcher du niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la science, dans l'éloquence et nusha dans le conseil. Ta'ammal kalam alayhi salatu wa salam. C'est une aya, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de la révélation. Anna min hadith wahid, tu trouves al-ulama qadiman wa hadithan, ils citent des dizaines, des centaines, des milliers de fawa'id. Ba'd al-ulama, ils ont écrit des livres sur un hadith, en citant des fawa'id. Beaucoup de leçons à tirer de ce hadith, alors que, Robama, ce hadith, c'est 2, 3, 4, 5 mots, une phrase. Ça, c'est une aya, c'est un signe. En Allah, subhanahu wa ta'ala, a'tahu jawami' al-kalim. Jawami' al-kalim, c'est des phrases très très courtes avec un sens immense. Qala, u'ulima yaqinan zaruriyan anna jami' ma ja'a bihi huwa al-haq alladhi la raiba fihi. Et il n'y a aucun doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la vérité. La siyama fi bab at-tawhid wa bayanuhu al-azim fi anna Allah anna lillahi al-asma' al-husna wa as-sifat al-kamila al-ulya allati tafarrada biha wa tawahhad wa lam yusharikhu fiha musharik wa hadha wahdahu burhanun kafin shafin liman lahu adna 'aql aw alqa as-sam'a wa huwa ash-shahid. Wa hadha al-bab al-azim bab at-tawhid wa bayanuhu alayhi salatu wa salam في الأسماء والصفات لله عز وجل هذا كذلك c'est une preuve claire. Tous ces علوم que le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam il a cité et qui sont répertoriés, classés dans des livres. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wasalam il a été orphelin. Le Nabi sallallahu alayhi wasalam il était ummi, il était illettré, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. هذا c'est un burhan azim. أن هذا النبي الكريم النبي الله سبحانه وتعالى il l'a élevé avec هذه العلوم. C'est pour ça qu'ils l'ont accusé de sahir, de sorcier. Les noms, ils ont su que ce qu'ils disaient, ce qu'ils apportaient, eux, ils étaient incapables de le faire. Donc, ils ont préféré l'accuser de sorcier. Au Bardoum, ils l'ont accusé, il a pris ce Coran d'un autre. Au Bardoum, ils l'ont accusé d'être un poète. Tout ça, au fond d'eux, ils savaient que c'était des mensonges. L'imad, il y en a ceux qui l'ont accusé, Bardohum, ils ont grandi avec le prophète alayhi salatu wasalam. Bardohum, ils l'ont vu grandir. Bardohum, kathir minhum, ils l'appelaient al-amin. Et c'était une personne de confiance. Et il était sadiq, il était reconnu comme véridique dans tout le cas, avec un bon comportement. Il savait très bien que c'était pas un menteur, un poète, encore moins un fou, alayhi salatu wasalam. Lakin al-kibr wal-inad. Qala faya'ajaban. فيعجبا لمن يعارض ما جاء به هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم الذي جاء بشريعة ما طرق العالم أعظم منها ولا أكمل ولا أصح بأقوال الماديين الذين سفهت أحلامهم وفسدت عقولهم صحيح هذا سينكوز كي بوسا اتخو الشخبخي ودمض الله سبحانه وتعالى ثبت فيعجبا لمن يعارض celui qui délaisse la voix du prophète, alayhi salatu wasalam, ses enseignements, ses paroles, ses exhortations, ses rappels, ses conseils, et il essaie de trouver la vérité, ou la réussite, ou le bonheur, chez les ennemis du prophète, alayhi salatu wasalam. Aqwal al-maddiyin. Al-madda, c'est le matériel. C'est les biens de ce bas monde. Pardon, yu'minun illa bihada. Leur science, elle est fondée que sur le madda. La yu'minun bil-ghayb, wala bil-yawm al-akhir, wala bi-kitab, wala bi-malak, wala bi-rab. Des athées purs, ayyadan billah. Ba'd an-nas délaissent la voix du prophète alayhi salam wa yata'atharun biha. Bel ba'd al-muslimin, on vit à une époque, ils ont des doutes sur certaines choses et qu'annahum ils sont plus convaincus par aqwal ha'ula. Des ahadith du prophète sallallahu alayhi salam, ahyanan ils sont pas à l'aise, qu'annahum ils sont pas sûrs. Il faut que la médecine elle appuie. Ou dans un autre domaine, ils appuient hala hatta حتى يسنسور هذا سي غراف اون دو افوار اوكان دوت لو بروفيت صلى الله عليه وسلم جاء بالحق والهدى قال واتضح ان جميع ما عرضوا به الاديان جهل وضلال ومكابره صريحه وذلك معروف بالتتبع لجميع المسائل التي عارضوا فيها الرسل نعم توت لي تيوري توت لي زيبوتيز كيز اون سيتي بور كونتردير لا فوا دو بروفيت صلى الله عليه وسلم سي دي بيور منسون كذب de l'orgueil, de l'ignorance. Tout ça, les anna, leur cœur et leur nefs, elle les a poussés à rejeter cette vérité. Et on répète beaucoup de gens, c'est un kibr wa inat. Par orgueil, ils ne veulent pas la vérité. Pas parce qu'ils ne la connaissent pas. Là, ils ne la veulent pas. قال الله تعالى في حقهم وحق أمثالهم: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. C'est quoi qui les a poussés à rejeter هذا العلم؟ قال أي هذا العلم أي علوم النبي عليه الصلاة والسلام la religion de l'islam, la vérité. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات pourtant les preuves leur sont parvenues فرحوا بما عندهم من العلم أي العلم qu'ils avaient ففرحوا به ça les a poussés à l'orgueil. Ça les a poussés à rejeter la vérité, à ne pas se soumettre. Ahada, ça nous montre dans ce dors d'Afadna beaucoup de causes qui poussent l'insan à rejeter la vérité. Parmi ces causes, le kibre, parmi ces causes, le fait de restreindre la vérité à, sur, à ce que l'insan connaît lui-même. Kadalik, annahu, il se suffit du ilm qu'il a. Kadalik, il connaît tout. Il est étonné qu'une vérité elle peut être dans autre de ses paroles ou de ce qu'il pense. Kadalik, le fait de restreindre la vérité à une personne. Mais pourquoi un tel il n'a pas dit? Mais pourquoi Cheikh un tel il n'a jamais dit ce que tu dis? Hadi, c'est pas une hujja. Là, al-hujja, pour la comprendre, il faut awalan avoir un asl tayyib. Et min al-usul al-azima al-tayyiba, c'est que tout le monde peut connaître la vérité et tout le monde peut l'ignorer. Sauf bien sûr les prophètes et les messagers. Donc le fait de dire qu'un tel il n'a pas connu la vérité, c'est pas un argument. Belhada, c'est de l'ignorance. Est-ce qu'on peut argumenter avec de l'ignorance? L'argumentation valable et acceptable, c'est quoi? C'est de dire, Cheikh un tel, il a cité telle preuve, en se référant à tel savant, tel imam, ça c'est du ilm. Elle m'a dit, mais pourquoi un tel il a pas dit? Hada, c'est de l'ignorance. Tu peux pas argumenter avec de l'ignorance, là. Belhada, al-hal, Inzan, il doit demander. Si tu n'es pas convaincu, et ça arrive, peut-être que cette personne, elle cite un dalil qui n'est pas à sa place, peut-être qu'elle n'a pas les compétences pour le comprendre, tu demandes des recherches approfondies. Et ce hadith, tu l'as compris comme ça, et est-ce qu'un imam parmi les imams des salafs, ils ont cité ce que tu dis, ou hein, quand tu as des recherches, attends, on arrive au haq. Là, j'accepte pas parce qu'un tel, il n'a jamais dit cela. Ah, là, c'est pas du ilm. Qala wal hasil. أي بهذا ولله الحمد. On a fini, toutes ces preuves rationnelles. Et dans cette dernière partie, la conclusion, رحمه الله, il a résumé هذه الرسالة. قال والحاصل أن جميع الموجودات وجميع الحوادث والمعارف والحركات أدلة وبراهين على وحدانية رب الأرض والسماوات. Hada, c'est le premier burhan qu'il a cité, la première preuve. Et c'est la base. Anna jami' al-mawjoudat, tout ce qui existe et toutes ces créatures, c'est des preuves claires sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et annahu il est unique. C'est le seul créateur et c'est celui qui mérite l'adoration seul. Qala man alladhi ansha al-makhluqat min al-adam? Hadhihi al-makhluqat qui faisait partie du Adam. Al-Adam, c'est le néant qui n'existait pas. Qui c'est qui les a créés? Qala, wa man alladhi dabbara al-umur wa sarrafaha? Qui c'est qui gère tout cet univers qu'on voit là? Ce soleil, cette lune, ces nuages, le ciel, la terre, les océans, tous ces animaux, toutes ces espèces différentes, tous ces enfants dans le ventre de leur mère. Man, hada il est guidé, hada il est garé, hada il est guéri, hada il tombe malade. Hada il grandit, hada il vieillit, hada il naît, hada il meurt. D'où ça vient tout cela? Qui c'est qui gère tout cela? Qala, man alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa hafidhaha biqudratihi wa amsakaha. Naam, inna Allah yumsiku as-samawati wal-ard an tazula. Hada taqaddam ma'ana. Man alladhi khalaqa al-adamiyya min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Qui c'est qui a créé hada al-adami d'une nutfa? Un liquide. Cet être humain, il n'était rien, il n'existait pas. Thumma, il a été créé à partir de ce liquide. Thumma, ça devient, comme قال هنا, فإذا هو خصيم مبين. Thumma, lui-même, ça devient un ennemi. Lui-même, il n'est pas d'accord. Lui-même, il s'oppose à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. قال, من الذي أمات وأحيا وأسعد وأشقى. هذا, on vient de le citer. Qui c'est qui fait vivre? Qui c'est qui fait mourir? Qui c'est qui rend heureux un tel? Qui c'est qui rend triste un tel? Wa ahlaka al-umam at-taghiya bi anwa' al-mathulat wa najja ar-rusul wa atba'ahum inna fi dhalika la'ibran wa barahina wadhihat. Dans tout cela, il y a des signes. Pour celui qui réfléchit, من الذي خلق الحب والنوى وفجر الأرض بالأنهار والعيون ليس ذلك من آثار من يقول للشيء كن فيكون. Toutes ces plantes, tous ces fruits, une graine qui est plantée dans la terre, ثم de l'eau qui descend du ciel, ثم différentes espèces de différentes catégories, différents légumes, différents fruits, avec des couleurs différentes, avec des goûts différents. Les animaux, ils en profitent. Les êtres humains, ils en profitent. Les oiseaux, ils en profitent. فَمَنْ خَلَقَ هَذَا كُلَّهُ Qui c'est qui a créé toutes ces choses ? قَالَ مِنْ أَثَرْ مَنْ يَقُلْ لِشَّيْ كُنْ فَيَكُنْ C'est Allah subhanahu wa ta'ala. إِذَا أَرَادَ الشَّيْءًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il veut une chose, il dit كُنْ et il soit فَيَكُنْ Cette chose, elle devient. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il crée ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. عَزَّ وَجَلْ مَنِ الَّذِي عَطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أَلَّائِقَ بِهِ ثُمَّ هَدَى كُلَّ مَخْلُوقٍ إِلَى مَصَالِحِهِ الَّتِي لَا يَصْلُحْ لَهُ سِوَاهَا مَنِ الَّذِي عَلَّمَ الْعُلُومَ الْمُتَنَوِّعَ وَالْفُنُونَ Qui c'est qui a enseigné à cet être humain alors qu'il ne connaissait rien? Il est sorti du ventre de sa mère il connaissait rien. هَكَدَ حَالَ الْإِنسِ l'être humain. مَنِ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أَلَّائِقَ بِهِ Tous ses membres, chaque chose à sa place. Tous ces animaux avec des formes différentes, avec des forces différentes, avec des sens différents. مَنْ خَلَقَ هَذَا كُلَّهُ مَنِ الَّذِي أَخْرَجَ الثِّمَارَ الرَّطْبَ مِنْ يَابِسِ الْغُصُونِ تَأَمَّلْ Cet arbre qui a un tronc dur, des branches dures, et tu trouves, de cette dureté sort des fruits tendres et sucrés. مَنْ قال من الذي أحكم الأشياء بغاية الحكمة وكمال الانتظام وأتقنها؟ كيف يجير تو تأمل في هذه في هذا النظام العظيم tous ces cycles que ce soit les saisons que ce soit le climat que ce soit la nuit le jour قال من الذي أحسن كل شيء صنعه وشرع الشرائع وجعلها في غاية الهدى والصلاح وأتقنها؟ كيف يجير هذا الدين العظيم Et la religion de tous les prophètes, avec tous ces jugements justes, avec cette sagesse, ce din, que, walillahi alhamd, qui est adaptable, qui est profitable en tout lieu et à tout moment. قال, من الذي سير السحاب المقرة et المياه العظيمة Qui c'est qui déplace ces nuages, qui sont remplis d'eau ثم ce nuage à un moment donné cette eau Allah subhanahu wa ta'ala il décrète que cette eau doit descendre à tel endroit. قال فأصاب بها البلاد والعباد ليس ذلك الذي يعيد الخلق بعد موتهم إلى يوم الحشر والتنال et cet exemple جاء كثيرا في القرآن. C'est une aya azima. Allah subhanahu wa ta'ala il fait revivre des terres mortes avec cette eau, avec cette pluie. Et هكذا Allah subhanahu wa ta'ala il ressuscitera Les êtres humains, يوم القيامة. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هكذا قال عز وجل. Et celui qui a fait revivre la terre morte, est-ce qu'il n'est pas capable de faire revivre les morts? قال من الذي سير السحاب الموقرة بالمياه العظيمة فأصاب بها العباد والبلاد؟ أليس ذلك الذي يعيد الخلق بعد موتهم إلى يوم الحشر والتناد؟ يا عجبا لنفوس تنكر الرب والبعث ما أضلها وأعماها. Après tout cela, صحيح يا دكوا سيتوني. Et التوفيق c'est من الله. الله سبحانه وتعالى يكيد كي il veut. هذا ça doit nous pousser. Même si on s'étonne, ça doit nous pousser à être reconnaissant et à être modeste. Et à reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a choisi et il nous a guidé. فكم من الناس tous ces signes ils ne prennent pas un peu de temps pour reconnaître هذا pour réfléchir. فأنت الله سبحانه وتعالى وفقك وهداك هذا ça doit nous pousser à faire encore plus d'efforts. Cette risale on le répète à la base c'est des signes clairs pour les athées pour les pousser à accepter la vérité. C'est pour leur bien. Et كذلك c'est des ayats, des signes qui font monter la foi du croyant et qui poussent le croyant à faire encore plus d'efforts et à être reconnaissant. قال كيف لا تعترف بهذه القضية التي هي أعظم القضايا وأوضحها وأجلها؟ C'est le point le plus important. Celui qui reconnaît l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et annahu c'est le créateur, et annahu c'est le seul qui mérite l'adoration, hada il a tout gagné. Même s'il est éprouvé fit dunya, même s'il n'a pas beaucoup d'argent fit dunya, même s'il souffre fit dunya, ça passe très très vite dans ce bas monde. Le jour du jugement, dans l'au-delà, il réussira et rentrera au paradis. Chaque mouahid, celui qui reconnaît Allah comme créateur et qui l'adore seul, il rentrera au paradis. Enfin, c'est le sujet le plus important. Enfin, c'est le sujet dans lequel on doit faire le plus d'efforts et donner le plus de temps. قال إله عظيم لم يزل إلها وملك كبير ملكه لا يتناهى شمل العالمين برحمته ورزقه فلا يترك ذرة ولا ينساها هذا الكون العظيم. Cet univers, ces cieux, ces terres, ces océans, Allah subhanahu wa ta'ala, il gère tout. À chaque créature, il lui donne son risque. حتى الذرة لا ينساها. حتى les fourmis, les petits insectes, des poissons au fond de l'océan, ils ne sont pas négligés. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à chacun son risque et sa subsistance. Yasma anin al-mudnifin, ay al-marda, ay anin la douleur des malades. Wa yujib as'ilat as-sa'ilin, amma yujib al-muttar idha da'a. Ba'd an-nas, ils souffrent, ils sont touchés par la pauvreté, par des maladies, par des injustices. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur répond. Hada, c'est un signe azim. Qala wa yajoub bi maghfiratihi wa rahmatihi ala ta'ibin. Kadhalika, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir. Et ta'ammalu, al-Nashir rahimahullah, une des dernières phrases avant de faire le dua, il a cité ma yata'alaq bi tawba. Ay, ka'annahu ishara anna bab, la porte du repentir, elle est toujours ouverte. Même les athées, ils sont encore vivants, il y a encore un espoir. Ça doit nous pousser, nous, à ne pas désespérer. On le répète encore plus avec ceux qui ont des proches, encore plus si c'est des parents, ne désespère pas. Même si c'est des athées, même s'ils rejettent, tant qu'ils sont vivants, il y a un espoir. Cet espoir, il doit te pousser à espérer et à faire des efforts. Montre-leur la vérité. Et l'insan, on répète, que ce soit un frère, une sœur, il faut de la hikmah. Encore plus avec les parents. Un certain... Les enfants, ils connaissent très bien leurs parents. Quand tu sens que ce n'est pas un moment pour parler, ne parle pas. Si tu cites ces choses et ils sont énervés, ils ne sont pas prêts à accepter, ils vont te rejeter. Et Obama, ils ne te laisseront plus parler. Là, attends le moment opportun. Le moment opportun, quand ils sont joyeux, quand tu sens qu'ils peuvent accepter. Et كذلك لا تكون ثقيلا. L'insan, il passe des heures sur ça. Ils ne sont pas prêts au départ. فقليل, si tu sens qu'ils acceptent, tu rajoutes. Si tu sens que ça devient lourd, tu repousses wahakada avec ad-du'a. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite fi hada. Lianna cette da'wa, c'est une cause. Amma celui qui guide les cœurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa nas'aluka ya Allah bi asma'ika al-husna wa awsafika al-'ulya an tarzuqana imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa tanfa'ana bi ayatik al-masmu'a. Du'a'un jamil. Du'a'un أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا إيمانا كاملا. هذا سأعظم الرزق. تقدم معنا dans l'explication des noms d'Allah سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى c'est الرزاق. الرزاق c'est celui qui donne la subsistance. والرزق اللي على نوعين. رزق الأبدان ورزق القلوب. رزق الأبدان tout ce qui est lié au corps de l'être humain, la nourriture, les boissons, etc. ولا subsistance du cœur et la foi. On doit demander هذا الرزق. Sans négliger l'autre, bien sûr. Lakin hada, il est a'zam, il est anfa, il est beaucoup plus profitable. Lianna, tout le monde mange, tout le monde boit. Tout le monde profite de hada rizq. Amma, cette subsistance, elle est du cœur, la foi, c'est pas tout le monde. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous rajoute. Falihada qal tarzuqna imanan kamilan. Lianna, al-iman darajat, il y a plusieurs niveaux, plusieurs degrés dans la foi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde hada al-iman al-kamil. قال ويقينا صادقا وتنفعنا بآياتك المسموعة. الآيات كذلك على نوعين, آيات كونية وآيات شرعية. Il y a des preuves, c'est par rapport à certaines créatures comme la lune, le soleil, les cieux, la terre. On en a étudié beaucoup dans ce livre. Et الآيات المسموعة c'est le Coran et la Sunna. فتنفعنا بآياتك المسموعة وآياتك المشهودة. Il a cité les deux, fil deux. Enfin, ça montre que l'être humain et encore plus le mu'min, il profite des ayats masmoua et hakada al-ayat al-mashhouda. Ça montre qu'on ne doit pas négliger ces deux signes. On doit faire beaucoup d'efforts dans la lecture du Coran, dans le fait de méditer, de comprendre. C'est la base. Et كذلك الانسان يتامل يتامل في في خلق الله عز وجل. On a cité beaucoup de preuves dans nos durus sur le fait de méditer sur la création d'Allah عز وجل. قال وآياتك الأفقية وآياتك النفسية. إشارة إلى قول الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات deux genres de آيات في الآفاق وفي أنفسهم. في الآفاق comme la lune, le soleil, etc. وفي أنفسهم أي en nous-mêmes, dans ton corps, dans ta la création que Allah سبحانه وتعالى t'a façonné de telle façon, c'est un signe. قال فإنها براهين للمقنين وآيات للمستبصرين وحجة على المعاندين والمكابرين ورحمة منك وإحسان على الخلق أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين آمين فرسالة نافعة فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع الإخوة للدعوة في هذا الباب le fait de ne pas négliger ce point important et on essaiera de la résumer il y en a dans le dernier chapitre il a cité quelques points lakin en fait on a cité beaucoup de barahin ou plutôt le cheikh il a cité beaucoup de barahin et on en a rajouté quelques-uns ربما. On essaiera de les résumer dans une kalima avant de commencer un autre livre. Inch'Allah ta'ala, on essaiera de citer les signes que Shiril a cités et si on peut en rajouter d'autres. Faqat avec, sans détailler bien sûr comme dans le livre, les Doros Wallahilhamd, on a essayé de clarifier, de détailler. On essaiera de les résumer dans une kalima pour que ça soit profitable. Il y en a malheureusement, c'est pas tout le monde qui écoute tous les Doros. الناس شغلون في une époque عياذا بالله une époque de fitna ان الناس كثير منهم beaucoup de gens ils sont tombés dans le dunya ils sont attirés par le dunya ils n'ont plus de temps tout le monde a du temps lakin ils n'ont plus la force de consacrer du temps au ilm on parle نحن ceux qui aiment l'ilm ceux qui aiment sunna on parle pas des autres ان كثير من هؤلاء انهم ils sont occupés et ils ont du mal à écouter des séries de durus للاسف. Enfin, le fait de résumer en une kalima, c'est important. Enfin, on essaiera de faire ça, incha'Allah ta'ala, prochainement. Enfin, avec ça, on a fini cette risala, al-barahin al-aqliya ala wahdaniyati al-rab wa wujuh kamalihi wa alhamdulillah alladhi bini'amihi tatimu s-salihat. Et à partir de demain, jeudi, on essaiera de finir mukhtasar لطائف المعارف de l'imam Ibn Rajab رحمه الله. Toujours notre livre sur les mois de l'année. On est arrivé à Dhul Qi'dah ou Dhul Hijjah. Amma Dhul Qi'dah, on n'a pas besoin de le résumer. لماذا لأن l'imam Ibn Rajab رحمه الله il n'a pas cité beaucoup de choses. Enfin, on essaiera de résumer pour finir ce livre le mois de Dhul Hijjah. Et ça sera en trois parties bi'idhnillah azza wa jal. On essaiera de faire deux parties demain si on peut. Ou une partie demain et deux parties pour la prochaine fois. Mouhim, on essaiera de faire en trois parties. La première partie sur Al-Ashr, les dix premiers jours de Dhul Hijjah, les mérites et des ahkam. Est-ce qu'il faut jeûner les dix premiers jours? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a akhri. Thumma, la deuxième partie, ça sera sur Arafah wa Yawm al-Nahr. Ou plutôt peut-être Arafah. Et on verra si on cite certaines choses. Thumma, la troisième partie sur Ayyam al-Tashriq. Mouhim, on essaiera de faire en deux parties, en trois parties, par rapport à ce qu'on citera. Peut-être une partie sur Al-Ashr, ça prendra un peu de temps. Kadalik, une partie sur Yawm al-Nahr, sur l'Eid, ça peut prendre un peu de temps. Thumma, on essaiera de faire Arafah et les Ayyam al-Tashriq. Inch'Allah, dans une partie. À la Kulihal, on commencera demain, on essaiera. Et si on peut finir samedi, Thumma, Inch'Allah, on verra est-ce qu'on reprend nos cours avant l'Aïd ou après l'Aïd. فهذا on verra, on verra. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. المهم demain à la même heure on essaiera de faire une kalima en se basant sur le livre d'Ibn Rajab sur les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. On commence par هذا inshallah, ثم on verra. نكتفي بهذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.